soirée sur Énergie, 5h55, nous sommes mercredi, c'est le 27 juin et cette semaine nous sommes en direct du Gros du Roi et en public, vous pouvez faire du bruit. Tout le monde, je remarque que ce matin tout le monde est déjà bien assis, bien rangé, bien ordonné à 5h55. Ouais, c'est ouf, hein. Bravo, vous êtes nos meilleurs de la semaine jusqu'à maintenant. Ouais. Je sais pas si ça va tenir, mais on verra. D'habitude, tout le monde commence à s'asseoir vers 9h au moment où on arrête. Mais là, bravo. Soyez les bienvenus sur Énergie toute cette semaine. On est en direct, on est en public du Gros du Roi. C'est notre dernière semaine d'émission. On démarre l'émission dans 4 minutes. Mais avant ça, comme chaque jour, c'est le club du 555. 5h55, on est là entre nous alors que les autres sont encore en train de dormir. Les autres n'ont rien à foutre de ce moment et pourtant ils devraient. Parce que tous les jours à 5h55, c'est notre moment à nous. Il y a peut-être des gens dans le public qui n'ont jamais connu le club du 555. Il y a des gens qui ne se lèvent pas à 5h55. Feignant. Il y a pas mal. Hein. Ah putain, il y a des trois quarts. Okay. On devrait démarrer en fait l'émission à 8h. Eh bien, c'est un moment à nous auquel vous participez. Des fois, peut-être que vous êtes fait jeter de boîte de nuit parce que vous étiez, vous étiez en tennis. Eh bien, ici, vous pouvez venir comme vous voulez. Vous pouvez venir en thon, vous pouvez venir pieds nus. Le club du 555, c'est un moment entre nous. À 5h55, alors que les autres dorment, on se fait un petit plaisir. Ouais. Habillé, rassurez-vous. Ouais. Même si on a tenté déjà de le faire nu, mais ça ne marche pas. Non. On se fait un petit plaisir, on s'écoute un titre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Et là, pour cette dernière semaine d'émission, je me suis dit, on s'écoute des hits de l'été. Et yes. Voilà. Été 2007, numéro 1 en France, numéro 1 sur Énergie. Été 2007, d'après vous. Ouais. Oula. Nico. Je sais pas du tout. Hein. Martin Solveig? Non, c'est pas ça. C'est français, international? C'est international. Paulette? C'est Guetta, comme d'habitude. Bah oui, David Guetta, international. Bah international, ouais. Ah oui. Oh là là. Alors, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde est réveillé, pas tout le monde. C'est compliqué. Rihanna, Umbrella. Ah bah oui. Ah oui, la Riri. C'est le premier hit de Rihanna, l'énorme hit de Rihanna. On aime bien. 5h56, c'est Umbrella sur Énergie. Soyez les bienvenus, c'est mercredi. On démarre l'émission dans 3 minutes. Shiny car, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Open no thumbs to get out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. No thumbs to get out to the end. énergie, il est pile 6h qu'on amène le coach. Et qu'on démarre cette journée. On est mercredi, c'est le 27 juin, on est en direct du Gros du Roi toute cette semaine pour cette troisième émission et cette avant-dernière émission de la saison, les amis. Ça va vite, ça va vite, ça va vite de ouf, on a l'impression d'avoir déjà commencé la saison. Mon Dieu, le temps passe vite, nous sommes vieux, la mort. Bonne journée à vous. Ça va toi ? Ça va moyen. On va écouter Naïstro, ça arrive dans deux minutes, tout de suite c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. On parle évidemment de la météo. Ça continue du grand soleil, du grand ciel bleu pour tout le monde du matin au soir. C'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, on n'a pas d'amélioration, pas de dégradation plutôt avant la semaine prochaine en principe avec l'arrivée des orages à cause des fortes chaleurs. La chaleur, on en reparle puisqu'il fait déjà de 15 à 21 degrés du nord au sud en ce moment. 26 à Lille, cet après-midi 30 à Laval, 34 au pied du Mont Ventoux pour les maxis. Une purge dans le dictionnaire du football. Il s'agit d'un match horrible, sans spectacle ni émotion. Félicitations aux Bleus qui nous en ont offert une très belle hier pour clôturer la phase de poule de la Coupe du Monde. 0-0 face au Danemark, synonyme malgré tout de première place du groupe. Et il faudra donc jouer l'Argentine de Lionel Messi en huitième de finale. Rendez-vous samedi à 16h. L'affiche du jour oppose la Serbie au Brésil. La SNCF avec la mobilisation des cheminots, des perturbations sur le trafic jusqu'à vendredi matin. Pour aujourd'hui, on table sur 4 TGV sur 5, 3 TER et un Intercité sur 5 en circulation jusqu'à ce soir. Et parmi les syndicats qui souhaitent poursuivre le mouvement pendant les vacances, la CGT et Sudrail appellent à faire grève les 6 et 7 juillet pour les premiers grands départs de l'été. À quelques exceptions près, les soldes débutent ce matin à 8h dans tout le pays, mais aussi sur Internet. 6 semaines de prix réduits comme d'habitude. C'est tentant, même si les promos ont lieu un petit peu toute l'année désormais. Près de 8 Français sur 10 devraient en profiter selon un sondage. Le classement des villes les plus chères, la Fédération Nationale de l'Immobilier vient de dévoiler son palmarès reste des loyers et sans surprise, Paris arrive en tête avec 779 € par mois pour un studio. Nice est seconde autour de 500 €, Lyon troisième un petit peu en dessous. L'offre de logements notamment pour les petites surfaces est plutôt abondante à Toulouse et à Marseille mais très rare dans la capitale évidemment. On pense fort à eux, les élèves de troisième s'apprêtent à vivre le premier grand examen de leur vie. Les révisions du brevet touchent à leur fin, dernier jour, dernières heures pour potasser les cours avant le début des épreuves demain, ce sera le français. Ça fait froid dans le dos, les aliens de Predator préparent une invasion de la Terre qui cette fois pourrait bien nous faire très mal. Voilà en gros le pitch du quatrième film de la saga lancé il y a 30 ans. Arrivée prévue chez nous au ciné le 17 octobre et la bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée. Sinon, du côté des sorties ciné du jour, on a un film énergie, Love, Simon, avec l'actrice qui joue Anna dans la série 13 Reasons Why. Elle s'appelle Catherine Langford. C'est l'histoire d'un ado gay qui va vivre sa première grande histoire d'amour. Une suite aussi, Sicario, avec Josh Brolin et Benicio Del Toro dans l'univers des trafiquants de drogue mexicains. Un enterrement de vie de garçon pour finir, Budapest avec Manu Payette et Jonathan Cohen. C'est une comédie. 6h03, fin de ce flash. On est le mercredi 27 juin et comme chaque matin cette semaine, vous retrouvez Manu dans le 6-9 en direct du Gros du Roi pour bien lancer les vacances. Bonne journée. Toute cette semaine, 6h04, nous sommes en direct du Gros du Roi pour notre dernière semaine d'émission. C'est déjà la troisième émission. Il nous reste trois émissions pour profiter de vous. Ouais. Donc on va le faire. On est là en direct jusqu'à 9h30. Les moins du matin sont là, évidemment, comme chaque jour. Il y a Paulette. Salut. Il y a Glandu. Pleine forme. Et il y a. Je termine par lui. Ah ouais. T'as remarqué que je te l'ai pas dit depuis qu'on s'est réveillé. Il y a 3 minutes à Glandu. Ouais, il était tout triste. J'attends. Oh, c'est mignon. Bah ouais. T'as dit à Glandu, il me l'a pas dit. Ouais, oui, exactement. C'est l'anniversaire de Nico aujourd'hui, joyeux anniversaire. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Depuis le réveil, je fais genre, j'ai oublié de lui dire. Ouais. Il est fort. Je voyais bien ton petit regard de chien battu. Et toi, tu joues un petit jeu avec moi. Oui, c'est ça. Cœur. Tu sais, fuis-moi, il te suit, suis-moi, il te... Enfin, le truc, ouais, oui. Bon, merci. Alors, c'est ton anniversaire aujourd'hui, c'est ta journée. Ouais. Alors. Ouais. Bah, tu t'organises un repas. Ouais, un truc. Bah, oui. Ah, je sais pas encore. C'est, non, c'est pas vous, normalement, qui devez organiser. Ah, si, ah. Si, mais ici, c'est les moins, c'est différent. Ouais. Ah, d'accord. Le jour de son anniversaire, c'est lui qui offre des cadeaux aux autres. Et bah, du coup, j'organise un barbecue géant à midi. Ah, aux arènes du Gros-du-Roi. Bah, l'idée, c'est pas mal, hein. Avec des arnaques, hein. On va vous en parler tout à l'heure, on va organiser un barbecue géant tout à l'heure à midi et demi au Gros du Roi, vous pourrez venir. Voilà. C'est bien, t'es cool. T'es reçu une arnaque. Ouais, je suis un moment. ouais, écoutez, Nestros arrive dans deux minutes, juste après, il y a pire que nous les amis, ça s'appelle les cocons du jour, des gens improbables qui font des choses improbables, ça arrive dans 3-4 minutes. Avant ça, j'ai une question. Glandu, ouais. Il était 23h hier, à l'hôtel, j'ai entendu ta voix crier. Ah, tu m'as entendu gueuler? Mais oui, je t'ai entendu. Mais alors, je suis le seul à avoir entendu. Mais ça, je vous ai pas raconté. Ouais. Hier, 23h, j'entends. Ouais, ouais, ouais. Comme ça. Oula. Ah ouais? Ouais, non, alors, j'ai pas crié. Je reconnais la voix de Glandu Bourré. Ah ouais. Mais hier, on s'est couché, on n'avait pas bu. Alors, soit t'as acheté des flasques et tu les as non. mis. Non, l'histoire, c'est qu'hier, je me suis couché tôt, j'étais crevé, je me couche tôt. Ah, on est d'accord que c'est toi qui as gueulé hier. Ah oui, c'est moi qui ai gueulé, oui. Oui. Ok, d'accord, bah, c'est toi. Je me couche tôt, j'étais crevé. Et là, j'ouvre l'œil, je vois 23h sur mon réveil et j'entendais vachement de bruit dehors, sur les terrasses à l'hôtel à côté. Donc oui. J'ai entendu bruit, j'étais la tête dans le cul, je sors de mon lit. Alors c'est le concept des terrasses. Hein. Ouais. Je sors de mon lit, je mets mon petit peignoir et en fait je regarde comme ça, je regarde par la fenêtre et c'était les voisins à côté qui prenaient l'apéro, mais il était 23h hein, quand même, 23h passées. Ils prenaient l'apéro, ils faisaient vachement de bruit. Ouais. Et du coup je suis sorti sur ma terrasse et j'ai crié, et c'est là où j'ai crié, je dis ouais, il y en a qui se lèvent tôt, si vous arrêtez pas tout de suite, je préviens la réception. Oh et, non. Ouais, ouais. Et oh le vieux. Ouais, mais j'ai eu le coup de sang, je venais de me le lever. Et là je suis rentré dans ma chambre et là j'ai eu vraiment eu honte de moi. Tu sais, j'ai eu un truc qui retombe. Ouais. Et je me suis dit, je suis vraiment un vieux con quoi. Et j'ai eu vraiment honte. Ça me fait plaisir, tu t'en es rendu compte, mais un peu tard quand même. C'est-à-dire que tu cumules quand même. Ça, sortir pour dire à des gens de faire un peu moins de bruit. Ok, là, tu t'es passé de l'autre côté, mais en peignoir en plus, mec. Ouais, mais tu te réveilles. J'avais pas mis ton caleçon. En peignoir, non, mais c'est ouais, effectivement. C'est présentable. En plus, ça en impose un peu le peignoir après. J'ai trouvé ta musique là pour la journée. Ah ouais? Oh non. Ça va, je me réveillais. À chaque fois qu'on va annoncer Glandu dans l'émission, il y aura cette musique qui démarre. Je me réveillais, j'étais de mauvais poil, je suis pas toujours comme ça. Il y a un problème, ça fait. Bah, c'est le vieux de l'hôtel, quoi. C'est clair. On se lève tôt, les gars. Tu sais ce que t'es? T'es le mec, quand on prend un appart, on demande comment sont les voisins. Ouais. Et ben maintenant, quand il y aura un vieux con qui emmerde tout le monde, on dira il y a un Glandu. Non, mais j'ai honte, vraiment j'ai honte, bien ça. Je m'excuse auprès des voisins. Mais, cela dit, c'est un bon sujet. C'est-à-dire, on a tous à un moment dans notre vie été le vieux con. Mmh. Ah bon, oui. Toi, t'es au-delà. À quel moment? Voilà le sujet. À quel moment avez-vous été Glandu? C'est un bon truc. Ouais, 0870 42 48. À quel moment vous êtes dit ah là peut-être que je suis un peu vieux con? Et à ce moment-là on enverra évidemment la petite musique. Ouais, non. À quel moment vous êtes-vous dit tiens je fais 50 ans de plus que mon âge? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Maestro sur Énergie, Bella Ciao. Et juste après c'est les cocos du jour. On va avoir mieux que Glandu, là, je sais pas. Bon réveil. Mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tu m'as chanté. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et je l'ai fait pour toi, t'en prie pardonne-moi. Et à contre-cœur, oh bella ciao. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, la la. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais la la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la, la la la la la. la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, la la la. Bienvenue sur Énergie, il est 6h11, on va écouter Ariana Grande, le dernier, ça arrive pour vous dans 3-4 minutes, mais avant ça, comme chaque jour, voici les gens improbables qui font des choses improbables, c'est les concours du jour. Attention. Pas besoin d'aller très loin aujourd'hui pour les concours du jour, nous démarrons en Dordogne. Ah, okay. Un touriste bulgare a été arrêté pour avoir roulé à vélo sur l'autoroute. Ah ouais? Ouais, mais c'est non. Dangereux, mais c'est bah, pas c'est tout. Dangereux. Parce qu'en plus, il était à contresens. Mais non. À vélo, à contresens sur l'autoroute. Il a été arrêté, donc ça va pour lui. Mais il a quand même sorti cette excuse. Je ne savais pas qu'il y avait un sens à vos routes et que l'autoroute était interdite au vélo. Ah, mais non. Voilà. Si effectivement, c'est pas le cas en Bulgarie, tout le monde roule dans le sens qu'il veut à vélo et entre les voitures. Honnêtement, je n'y vais pas. Ouais. Le bordel. Et c'est vrai que quand tu vois 200 voitures arriver vers toi, c'est globalement, t'es sur une route qui n'est pas faite pour les vélos. Tu te dis pas, c'est moi qui ai raison. C'est ça. En Russie, une femme qui doit 2800 euros aux impôts a eu une idée pour ne pas les payer, changer de sexe. Elle se dit, je vais changer de sexe, ils ne me trouveront pas. Okay. Et elle le fait, elle devient un homme. Sauf que le problème, ça n'a pas du tout marché, puisqu'elle vit toujours à la même adresse, donc elle reçoit les trucs d'impôt à la même adresse, et qu'elle a toujours le même nom de famille. Ah, donc oui. En fait, ça n'a pas du tout marché. Alors, petite précision importante, le changement de sexe lui a coûté plus que la somme qu'elle devait aux impôts. Mais non. Voilà, okay. Tout est merdique du début à la fin. Ouais, on est sur un sans faute au niveau de l'échelle. Oui, oui, total. Dernier concours du jour dans le Doubs en France, un homme s'est jeté dans la rivière pour sauver sa copine de la noyade. Oh. Ah, c'est beau ça. Ah, ouais, c'est beau, c'est le héros. Sauf que le mec, en fait, était totalement bourré et que sa copine n'était pas du tout en train de se noyer, elle était sur la berge avec lui quand il a plongé. Mais non. Et sa copine était à côté, il dit waouh, je vais la sauver, elle est dans la rivière. Ok. Génial. Voilà, le concours du jeu. Ah ouais, le héros nul. Le héros nul. Je vous ai sauvé. Non, mais moi, je marchais tranquillement dans la rue. Allez, 6h12, les concours du jour, ça revient évidemment demain à la même heure et vous pouvez tous les écouter en podcast, c'est sur Manu dans le 69.com. Ariana Grande, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Good morning, les ouin-ouins. Manu dans le 69. C'est Énergie. Énergie. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spread it obvious? What else would I do? Music only. Wherever happens in the future, trust in destiny. Salut, c'est Kyo. Manu, si ça te dit, tu prends ta guitare et tu viens jouer un soir sur scène avec nous. Kyo featuring Manu, on sera les rois du monde. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est l'anniversaire de Benoît Poer, c'est le chanteur de Kyo. Il a 39 ans. Ah ouais, ah ouais. On les a connus, ils étaient tout petits. Comme il a grandi. 39 ans. 6h16 minutes, soyez les bienvenus sur Énergie. Dans 3 minutes, on parle de nous en vieux con. Quel a été votre moment? Ah, là, je suis un vieux con. 0-870-42-48, on vous prend au téléphone juste après Ariana Grande sur Énergie. Bon réveil. Sur Énergie, 6h19, on va écouter vite avec Claudio Capéo, ça arrive dans 3-4 minutes pour vous, mais avant ça, on se sent vieux. Avant ça, on se sent vieux con. Hier, il était 23h lorsque Glandu a crié sur les gens parce qu'il faisait un peu trop de bruit sur la terrasse de l'hôtel. Ouais, je voulais dormir. J'espère qu'ils ne savent pas que c'est nous parce que sinon ils vont penser déjà, un, que Nostalgie fait une émission en direct. Ouais. Et que deux, on est déjà des vieux cons. Non, j'irai m'excuser. C'est mignon. Aujourd'hui, ouais, j'irai taper. Quel a été votre moment? Ah, là, je suis un peu vieux con. 0-870-42-48. Ou sur Twitter, il y a Hélène qui dit « Il n'y a qu'en vacances que j'achète des magazines People au relais. » Ah non, mais ça, c'est... Ah, ah ouais, bah c'est oui. C'est pas complètement vieux con, les magazines People. Ça va. Solène, j'ai soupiré très fort à la caisse d'un supermarché parce que la fille n'avançait pas assez vite. Ça, c'est un peu vieux. Ah ouais, ma mère a soufflé fort. T'as bien fait ça? Ah ouais, c'est chiant. Eh ben, on va y passer la nuit. Romain qui dit j'ai engueulé un enfant qui mettait du sable sur ma serviette à la plage. Là c'est le boss. Ouais. Oui, mais c'est chiant, tu passes deux heures à la secouer pour être bien, après il vient et tout le travail raté comme ça. Oh Paulette, oh là là, mais alors, t'es de l'autre côté, mais quoi pour le passer là. C'est quoi? Non seulement t'as fait un truc de vieux con, mais t'avais la voix. Ah oui. Oh, c'est bizarre. On a Claire avec nous au téléphone. Bonjour Claire. Salut Manu, salut les wawas. Salut. Bienvenue sur Énergie. Quel a été ton moment? Ah, là je suis un petit peu vieux con. Alors, mon petit moment, je suis un petit peu vieille conne, c'était il n'y a pas très longtemps parce que j'ai crevé le ballon de mes voisins. En même temps, leur gamin, ça faisait quand même trois fois qu'il envoyait son ballon dans mon jardin. Et puis, ben, j'en ai eu marre, quoi, à force de voir. Voilà. C'est marrant, vous avez remarqué le ton qu'on prend on raconte mon vieux con, c'est vraiment un truc. Ah, mais en même temps, j'en avais marre, quoi. C'est pas, ça fait trois fois que je leur dis au salon, là. Trois fois que je leur dis le ballon, je suis pas un but, hein, vous êtes cru à la Coupe du Monde, bande de cons. C'est marrant ce ton qu'on prend. Ouais, ouais. Merci de nous avoir appelé, Claire. Belle journée à toi. Il y a Charlotte sur Twitter qui dit: j'ai dit Burke en voyant deux ados s'embrasser dans la rue à pleine bouche. C'est de la jalousie, ça. Ouais. Oui. Tu dis, il y a des endroits pour ça, hein, pas en public. Tu le fais bien. Nico, un moment vieux con. Ouais, c'est un truc que j'ai postiné il y a pas très longtemps, c'est que j'ai dit chute à des jeunes qui étaient en train de discuter. Oh. Ah. Ouais. Après, est-ce que c'est vieux con vraiment si les mecs en pleine scène ils discutent fort? Ça, c'est chiant. Peut-être le fait de dire des jeunes. Ah oui. Déjà le fait de dire. Bon, en compte là. Il y a des jeunes derrière nous. Ouais, je suis désolé. Attention. Julien, bonjour. Bonjour, salut Manu, salut les Wawan et salut à Glandu qui se réveille la tête dans le... Ça va ? Ouais, ça va. Bah écoute, oui, ça va. C'était gratuit, ça. Julien, quel était ton moment « Je suis un vieux con » ? Alors, moi, un jour, j'ai pété un câble, c'était l'année dernière. Je lisais un Paris Match et je te jure, j'ai commencé à voir les fautes d'orthographe. Et j'en ai vu au moins une vingtaine, je crois. Je les ai tous surlignés au stabilo et j'ai renvoyé le magazine au siège social. Génial. Ah oui. Mais non. Oh, mais... T'as renvoyé le magazine à Paris Match en leur disant il y a des fautes d'orthographe. Oh, non. Ah ouais, non, mais c'était abusé, quoi. C'est comme si toi tu transformais, tu changeais l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, quoi. Ouais. C'est abusé, quoi. C'est leur boulot. Voilà. Il est encore. T'es de l'autre côté. Mais alors, il y a une vie après la mort, hein, Julien. Donc. Incroyable. Je pense qu'ils ont retiré tous les numéros de la vente et ils ont réédité un nouveau numéro de Paris Match corrigé. Hein. Ah bah évidemment, ils prennent en compte. C'est sûr. En tout cas, Julien a du temps. On est sûr qu'il a du temps. Ça, on peut dire ce qu'on veut de Julien, le mec est pas les bandes. Merci de nous avoir appelé, Julien. Belle journée à toi. Il est 6h23, les infos arrivent. Mais avant ça, c'est Vita et Claudio Capéo sur Énergie. On est toute cette semaine en direct du Gros du Roi. On est là, on est en public. Si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas. Vous allez sur manudans69.com pour vous inscrire. Ouais. Bon réveil, c'est Énergie que vous avez choisi. Comme on se couche, on se lève. Regarde ce qu'il nous en fait. Elles veulent tirer sur nos rêves. Elles le font pour de vrai. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Accordez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de temps. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aiment. On est tous aimés. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. J'ai plus grand, je cherche la paix. Je cherche la paix. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles. Que rien ne peut réparer. Dis-moi de quoi penser lequel. Il y a la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Accordez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de temps. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aiment. On est tous aimés. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Accordez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Mais qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Accordez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de temps. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aiment. On est tous. 7h26, bienvenue sur Énergie. On va s'écouter le dernier hit de The Weeknd. Ça arrive juste après les infos. Aujourd'hui, on est le 27 juin, il y a une journée mondiale. Ah. Journée mondiale de la biologie. Oula. Ah, c'est bien. La biologie qu'on fait à l'école, quoi. Ouais, c'est vrai, j'aimais bien. Ouais. T'aimais bien la biologie, ouais. Paulette ? J'ai rien compris du début à la fin de ma scolarité biologique. Il faut qu'on t'explique quand même un truc. Ah, si tu veux avoir des enfants, il y a un moment, il faut que tu fasses un petit peu de bio quand même. Hein. Les dissections, moi, que j'aimais pas. Ah, oh, quel enfer. Ouais, ça c'était un peu stressant, quoi. J'ai un souvenir de dissection de souris, moi. Ah ouais, souris. Ouais, j'avais pas aimé. Mais c'est comme si tu fais un docteur Maboule, mais à la fin personne ne gagne, en fait. Ah, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Merde. 6h26, on revient tout de suite sur Énergie avec le nouveau hit de The Weeknd. Manu dans le 6-9. Retrouvez-nous aussi sur l'appli Manu dans le 6-9. Énergie. Votre radio préférée. Énergie. Vos hits préférés. Ici. Ici. C'est Énergie. Music only. Leclerc. Chérie, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Du coup, j'ai pris des Volvic Juicy pour essayer. 2 bouteilles d'1,5 litre achetées, 2 bouteilles offertes. De la Volvic quoi ? De la Volvic Juicy, de la Volvic aromatisée. Fraises, fruits du verger, fruits exotiques, agrumes, citronnades. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Pour 2 bouteilles d'1,5 litre de Volvic Juicy achetées, parfum au choix. 2 bouteilles offertes. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. On y goûte ! Ah bah pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Chérie, j'ai une grande nouvelle, on change de box. Ah bon? Mais pourquoi? Bah parce qu'en ce moment, Free propose la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. On est obligé de sauter dessus. Et en plus, on aura la fibre, t'imagines? Ah oui, j'ai surtout envie de te sauter dessus. Hein? Mais qu'est-ce que fait? Non mais doucement chérie. Merci Free. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama, en ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. Leclerc. Chérie, jeudi et jeudi seulement, la pizza Sodebo est à 1,14€ chez Leclerc. Quoi, 1,14€? Oui, la pizza, la grande pizza, 1,14€. Le 28 juin chez Leclerc, la pizza de Sodebo de 470 grammes, variété au choix transformée en France, avec 50% de réduction immédiate, est à 1,14€, soit 2,43€ le kilo. Voir modalité dans les magasins et drive participants et sur www.e.leclerc. Alors, pizza jambon et mental ou 4 fromages? Bah, ce prix-là. Les deux? Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Énergie. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Mesdames, messieurs, nous atteignons le pays des pourcentages. Oh, quelle chance vous avez! Un énorme pourcentage de réduction vient vers nous. Oh, beau spécimen, c'est un moins 55%, une espèce rare. Jusqu'au 16 juillet chez SFR, profitez des réductions exceptionnelles du shopping d'été, comme moins 55% sur le forfait Power 50 Go à 10€ par mois pendant un an au lieu de 24€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, enjoy. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box sans mobile avec engagement 12 mois. Enjoy, profitez. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 16 juin au 7 juillet, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les accessoires. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Leclerc. Chérie, je suis passé faire les soldes chez Leclerc. Me dis rien, t'as acheté une télé. Une télé Ultra HD 4K Thomson de 127 cm à moins de 400€. Fais voir. Attention, c'est très beau. À partir du 27 juin chez Leclerc, la télé Ultra HD 4K Thomson est à 399,20€, dont 12€ d'éco-participation au lieu de 499€. Dans la limite des stocks disponibles, voir modalité dans les magasins participants et sur www.culture.leclerc. Franchement, une télé Thomson comme ça, à ce prix-là. En plus, il y a le foot. Eh ouais. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. On est à l'heure, je sais pas comment on a fait. Il est 6h30, soyez les bienvenus sur Énergie. On va écouter les nouveaux hits de The Weeknd. Les sondages du matin arrivent dans 10 minutes pour vous. 3% des gens ont déjà rencontré l'amour à cet endroit. C'est improbable et pourtant okay. Ils l'ont fait. Ouais. Quel est cet endroit? La réponse dans 10 minutes dans les sondages du matin. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. RAS dans le ciel, toujours du grand ciel bleu, toujours du soleil sur l'ensemble de la France. Pas de complications prévues avant la semaine prochaine, en principe, et l'arrivée des orages. On peut donc encore profiter de ce temps estival, au moins jusqu'à la fin du week-end. Les températures grimpent encore de 15 à 22 degrés déjà du nord au sud en ce moment. Cet après-midi, il fera 27 à Brest et Metz, 28 à Dijon, 29 à Toulon, 30 à Albi. Mission accomplie pour les Bleus, ils ont fini premier de leur poule après le nul 0-0 hier face au Danemark en Coupe du Monde. Un match soporifique, sans intensité ni émotion, un calvaire en quelque sorte. Et il va sans doute falloir faire beaucoup mieux samedi à partir de 16h en 8e de finale. La France retrouvera l'Argentine de Lionel Messi qui s'est qualifié dans les dernières minutes hier grâce à sa victoire 2-1 contre le Nigeria. Au programme aujourd'hui notamment Brésil-Serbie avec un certain Neymar. Des perturbations à la SNCF aujourd'hui et demain. Dernier épisode de la grève perlée des cheminots, le 18e. 4 TGV sur 5, 3 TER et Intercités sur 5 en circulation en ce moment. Deux des principaux syndicats appellent à la grève pour le premier grand week-end de départ des vacances, les 6 et 7 juillet. C'est parti pour 6 semaines de prix réduits. Les soldes débutent ce matin à 8h précises dans toute la France ou presque. C'est le cas aussi sur Internet. Un acheteur sur deux a malgré tout prévu de se rendre dans un magasin traditionnel cette année selon un sondage. Vers un service universel d'un mois à l'âge de 16 ans, service universel obligatoire, le gouvernement devrait donner sa position aujourd'hui sur la mesure promise par le candidat Macron pendant sa campagne. Une grande consultation sera aussi lancée auprès de la jeunesse française à partir de l'automne. Sa performance a bouleversé les fans de 13 Reasons Why. Catherine Langford, alias Anna dans la série, est à l'affiche de Love, Simon, signée aujourd'hui avec Energy. Dans cette comédie dramatique, elle incarne la meilleure amie de Simon, un ado américain qui décide de faire son coming out. Une véritable épreuve qui se transforme en une grande aventure drôle et poétique. L'actrice australienne n'a pas hésité une seconde à dire oui pour ce film plein de bonnes ondes. C'est un sujet rarement abordé au ciné, la difficulté qu'ont les ados à grandir après leur coming out. La communauté gay n'est pas très représentée dans les médias traditionnels. Du coup, on n'en connaît pas grand-chose et on a peur d'y croiser des gens bizarres, pas comme nous. Il faut énormément de courage à un adolescent pour affirmer sa différence. J'espère que ce film aidera à faire comprendre qu'il n'y a rien d'anormal, que ce n'est pas un problème, c'est naturel. Voilà pour cette interview signée Bertrand L'Aiguillon. À découvrir donc également aujourd'hui au cinéma Les Affamés avec Louane en jeune adulte rebelle qui porte les traits d'une génération tout entière. 6h33, c'est la fin de ce flash. Mercredi 27 juin, vous retrouvez Manu dans le 6-9. Comme depuis le début de la semaine, il était en direct depuis le Gros du Roi. C'est les vacances. Bonne journée. On n'est pas tout seul, comme vous pouvez l'entendre. Ah ouais. Merci à vous d'être là, vous avez travaillé très tôt ce matin pour venir avec nous. On est en direct et en public toute cette semaine. On est au Gros du Roi, c'est dans le sud de la France, c'est pas loin de Montpellier, c'est pas très loin de Nîmes. Si vous voulez venir, vous aussi, il suffit de vous inscrire, vous allez sur manudans69.com. Évidemment, c'est gratuit, vous venez et en plus, on vous paye le petit déj. Eh ouais. Parce qu'on vous achète, on sait comment. On sait comment vous avoir à la bouffe. Manu dans le 69.com pour vous inscrire. Il nous reste encore deux émissions, il y a demain et vendredi pour venir. Les sondages du matin arrivent dans même pas les minutes, ce sera juste après le nouveau hit de The Weeknd. 3% des gens ont déjà rencontré l'amour à cet endroit. Quel est cet endroit? La réponse arrive dans 5 minutes. Avant ça, nous sommes bientôt en vacances. Les vacances arrivent, donc on commence à avoir des questions de vacances. Complétez cette phrase: il n'y a qu'en vacances que je le fais. Il n'y a qu'en vacances que je le fais. Quelque chose que vous ne faites jamais dans l'année, mais en vacances, vous le faites. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que j'ai la chose qu'une personne sur cinq dit ne faire qu'en vacances. Une personne sur cinq en vacances le fait uniquement en vacances. Voilà. Des mots fléchés. Ah ouais, qu'en vacances. Ouais, c'est là, on parlait des trucs de vieux tout à l'heure. Ouais, c'est chiant. Là, on est dedans. Ah, moi, toute l'année, les mots fléchés. Hein, c'est Non, rajoute pas, tonton. Mais c'est vachement bon. C'est un très bon remue-ménage, hein, les mots fléchés. Remue-ménage. Oh merde. Non, c'est vrai. Une bonne expression, remue-ménage. Ouais, ça stimule. Oui, ça stimule, ouais. Il n'y a qu'en vacances qu'une personne sur cinq le fait, des mots fléchés. Qu'est-ce que vous ne faites qu'en vacances? Il y a qu'en vacances que je peux porter deux jours de suite un caleçon que j'ai très peu porté. Hein. Très peu porté. T'as le maillot, alors, c'est vrai. Alors, pour aller dans le sens de Nico, parce que je rappelle que c'est son anniversaire aujourd'hui. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Donc voilà, on ne juge personne dans cette émission. On va l'appeler simplement Cracra 2. Pour aller dans ton sens. Je prends deux douches par jour. Arrêtez, les gars. Non, mais il y a. Non, les gars, j'en parle non plus. Si. il y a un truc, c'est qu'en vacances, on est par exemple, on est tout le temps en maillot de bain. Ouais, oui. Voilà. Donc on va mettre un caleçon par exemple le matin et on le remet plus de la journée. C'est ça. On peut le remettre le soir, voire le matin après. Ouais, c'est vrai. Mais en termes de durée, au lieu de le garder pendant par exemple 10 heures, on le garde que 1 heure et 1 heure. C'est ça, juste pour aller faire des courses, après tu le remets le lendemain pour aller faire des courses. T'as chaud, la chaleur, l'été. Ça me déçoit de toi. Mais quoi ? Non, mais j'ai chaud, mais je suis pas non plus. Ça va ? C'est la symbolique, je trouve, qui est dure à passer, quoi. C'est la symbolique de mettre le même caleçon deux jours de suite. Ce qui est très dur à passer, c'est d'en parler à la radio. Mais d'accord, avec la symbolique, quand toi tu le sais, c'est bon. S'il vous plaît, les enfants, ne jugez pas Grouic. Ça, c'est pas sympa. Qu'est-ce que vous ne faites qu'en vacances? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler, on va vous prendre le téléphone d'ici une petite dizaine de minutes. Moi, il y a un truc que je fais tout le temps uniquement en vacances, c'est mon repas. Ouais. Les repas sont différents en vacances que l'année. Dans l'année, on mange normalement. Ouais. En vacances, je peux faire un repas uniquement avec des gaufres chocolat banane chantilly. L'enfant. Ah ouais. Ah, ça c'est bon. Mais toi, t'as de la chance, tu grossis jamais. Moi, je fais ça, je finis les vacances, je roule. Ah. Tu sais quoi, ça fera rire les enfants. 6h37, The Weeknd sur NRJ. C'est le nouveau, ça s'appelle Call Out My Name. Et juste après, c'est les sondages du matin. 3% des gens ont déjà rencontré l'amour à cet endroit. La réponse à cette question dans 3 minutes sur NRJ. C'est le nouveau hit de The Weeknd qui est surprenant à la fin. J'avoue. J'ai l'impression qu'il plonge dans de l'écho. Ouais. C'est assez bizarre. 6h40, le nouveau Kaigo arrive pour vous. Alors attention, le nouveau Orelsan. Ah ouais ? Ah, oui. Featuring Maître Gims. Orelsan et Maître Gims, ça s'appelle Christophe. C'est le nouveau titre d'Orelsan. Yes. On va s'écouter avant 7h. Avant ça, il est 6h41. Voici les sondages du matin. 3% des gens ont déjà rencontré l'amour à cet endroit. C'est pas beaucoup 3% des gens, hein. Nico ? Un cimetière ? Un cimetière, non. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Ouais. Glandu. Un grand 8. Un grand 8 ? Ouais. Rencontrer l'amour dans un grand 8. Ouais, c'est pas simple, quoi. C'est difficile pour offrir un verre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, cri. Paulette ? À l'hôpital ? Non, c'est pas l'hôpital. C'est un endroit en extérieur ou pas ? Non, en intérieur. Ok. C'est un endroit en intérieur. C'est vraiment un endroit. Hein. Ah, une bibliothèque ? Non. En prison ? C'est quasiment ça, c'est au commissariat. Ah oui, c'est différent quand même. Ah ouais ? 3% des gens, pardon, Paulette ? C'est différent quand même. Au commissariat, tu peux y aller pour porter plainte, genre en prison. Non, dès que tu rentres dans un commissariat, tu vas en prison. C'est automatique, je m'y connais, c'est la loi. Ouais. 3% des gens ont déjà rencontré l'amour au commissariat. Ah ouais ? Après, ah. Je vois pas quelle situation, mais. Ah, tu déposes une plainte et puis là, il y a un coup de foudre qui se passe entre les deux, quoi. Ah ouais. Ouais, t'as du temps pendant une plainte. Ah, c'est pas mal. Ouais. Le temps que le mec appuie à la machine à écrire. Ouais, très lentement, ouais. Oui, tu peux te marier, hein. Le temps, c'est long. Les femmes le feraient 3 fois par jour et les hommes 6 fois. D'après vous, de quoi il s'agit ? Nico ? Aller aux toilettes ? Non. Aller aux toilettes ? Non, je ne sais pas. 6 fois par jour ? Ouais. Oh, faut les consulter, là, quand même. Ouais. Okay. Glandu ? Balancer un secret. Non, c'est pas balancer un secret, mais c'est dans le même univers. Ah. C'est quoi, Paulette ? Dire des gros mots, mais ça n'a rien à voir avec les secrets. Absolument rien à voir, effectivement, c'est pas ça. C'est un truc que tu fais seul ou t'as besoin de quelqu'un d'autre ? Ah, t'as besoin de quelqu'un. Ah. Tu peux te le faire à toi-même, mais bon, c'est pas. Mais c'est négatif ou positif ? C'est pas très sympa. Ah. Voilà. Draguer lourdement ? Non, tu le fais 6 fois par jour ? Ah, je sais pas. Non, alors c'est moi. Que ça non. marche pas, hein. Gentleman. Les femmes le feraient 3 fois par jour et les hommes 6 fois. Mentir. Ah, ah ouais. 6 fois par jour ? Toi, c'est plus, hein, non ? Ah oui ! On est d'accord. Ah oui, je trouve ça très léger, moi. C'est la crainte numéro 1 de 11% des gens qui se baignent dans la mer. Ah. Attention, pensez à ce qui vous fait peur quand vous baignez dans la mer. Paulette ? Se faire piquer par une méduse. Non. Il n'y a pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un objet ou d'un animal. Oula. Nager dans un courant chaud. Non. C'est la pipi. Ah oui, la crainte de ça. Oui, non, c'est pas idiot. Non, c'est pas ça. Se faire happer par une baïne. Par une quoi ? Une baïne, c'est les courants. Ah, les baïnes. Ouais, baïne. Alors, les baïnes, c'est un terme technique. Effectivement, oui. Si vous êtes déjà allé dans la mer Atlantique, par exemple, effectivement. La baïne est un courant marin très dangereux. C'est vrai. Qui surgit le long des côtes et qui vous emporte vers le large sans qu'on s'en rende compte. Wow. Le terme technique, effectivement, est baïne. Si vous êtes pris dans une baïne un jour, il ne faut pas paniquer, surtout. Oui. Et se laisser aller vers le large, là où la baïne tranquillement s'arrêtera. Ah bon ? Et vous pourrez ensuite renager vers la côte. C'est vrai, et faire la planche. Et faire la planche, absolument. C'est pas la bonne réponse, du coup ? Alors non, c'est pas la bonne réponse. Mais merci, Paulette, d'utiliser des mots que personne ne connaît. La réponse, la crainte numéro 1 de 11% des gens qui se baignent dans la mer, c'est perdre leur maillot de bain. Ah ouais ? Ah ouais. Eh oui. Mais quelque part, elle avait pas tort. Dans une baïne, lorsque nous sommes happés par l'eau, nous pouvons perdre notre maillot de bain. Ah ouais. Voilà, c'est important. Oui. Allez, 6h44, les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Et nous, on va s'écouter Kaigo tout de suite. Juste après, on parle de ce qu'on fait uniquement en vacances. Qu'est-ce que vous faites uniquement en vacances ? 0 870 42 48, on prend au téléphone juste après Kaigo. It never fades away. You're staying. Your kiss like broken glass on my skin, and all the greatest loves end in violence. It's tearing up my walls, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me, I got these scars to get your love. Keep reminding me, oh, to get your love. You left your mark. Reminding me, you left your mark. Reminding me to forget. You left your mark. Reminding me, you left your mark. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Baby, it hits so hard, holding on to my. Sur Énergie, il est 6h47. Le nouveau Orelsan, c'est avec Maître Gims, s'appelle Christophe. On va s'écouter dans 3 minutes. Ouais. Yes. Avant ça, qu'est-ce qu'on fait en vacances uniquement? Il n'y a qu'en vacances que vous le faites. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Ou sur Twitter, vous mettez le hashtag Manu dans le 69 et vous répondez. Je vous rappelle que selon un sondage, une personne sur 5 ne le fait qu'en vacances. Des mots fléchés. Ouais. N'ayez pas honte, qu'est-ce que vous ne faites qu'en vacances? On a Nicolas qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Salut Manu, salut tout le monde. Salut. Tu es en vacances, qu'est-ce que tu fais que tu ne fais pas le reste de l'année? Je me douche un jour sur deux, enfin, franchement tranquille, sans pression quoi. Ah, ouais, ouais. Apparemment, effectivement. Ok. Un jour sur deux, tu te douches. C'est peu. On peut le faire moins encore. Hein. Ouais. Ah bon, c'est pas très compliqué. Hein. La mer, quand même, il y a du sel et tout. T'es obligé de te toucher quand même pas mal. Hein. Ah, qu'est-ce que tu réponds à cette attaque de mettre de l'anguille? Ouais, je mets le doigt là, ça fait mal. Hein. Ouais, non, franchement, moi je me douche dans la mer, hein. C'est nickel. Alors non. Ah, d'accord, il y a un problème du coup. Et je me savonne dans la terre. Ah oui. Alors Nicolas, je suis désolé de te l'annoncer, tu es un cochon. Mais merci de nous avoir appelé. Belle journée à toi Nicolas. L'été a pas commencé, hein. Tu peux aller te doucher ce matin. Belle journée à toi Nicolas. Glandu, quelque chose que tu ne fais qu'en vacances? Moi je bois le midi et le soir. Ah ouais. Alors je peux pas te corriger. Ouais. Et l'après-midi aussi. Ah ouais, après un petit mojito, ouais. On est arrivé il y a 3-4 jours là. Ouais. Je me demande même si Glandu il a pas une petite flasque, tu sais, comme dans les westerns. Là, le juge alcoolique là. Ah, c'est le client de l'année au bar de l'hôtel. Ah, il adore. Hey, Glandu, il m'appelle par mon vrai nom. Ouais. Il n'y a qu'en vacances que je le fais sur Twitter. Il y a Leïla qui dit avec le hashtag Manu dans 69, il n'y a qu'en vacances que j'écris les cartes postales. Ah oui. Écoute, c'est des petits métiers qui se perdent. Eric, il n'y a qu'en vacances que je fais des siestes de 4 heures. Oh, ouais, mais c'est vrai. Hey, Paulette. Toute l'année, moi. Et encore 4 heures, c'est pas énorme. Hein. Non, pas une nuit. Marine, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie, Marine. Qu'est-ce que tu ne fais qu'en vacances? Alors, il n'y a que pendant les vacances que je fais l'amour avec mon mec, matin, midi et soir. 18 ans, donc j'en profite. Oh. Bah, c'est marrant, il y a deux écoles. C'est cool. Toi, tu fais l'amour matin, midi et soir, Glandu boit matin, midi et soir. Ça n'empêche pas l'autre. Hein, en ce moment, si. On rappelle que Glandu est célibataire depuis quelques temps. Ce qui explique effectivement qu'ils connaissent un peu tous les bars du coin. Merci de nous avoir appelé Marine. Et puis donc, du coup, bonnes vacances à toi et ton mec. Hein. Ouais, c'est cool. qu'est-ce que vous ne faites qu'en vacances, Paulette? Moi, des achats moches. Alors je te rassure, non? C'est dégueulasse. Non, j'achète des souvenirs moches. Mais sur le moment, je me dis que c'est super, tu vois, genre les mugs avec le pape et tout, j'adore. Et après, je les ramène chez moi. T'es en vacances. Alors t'es là. Écoute, on est au Gros du Roi. Où tu vas acheter un mug avec le pape? Non, mais au Gros du Roi, par exemple, je vais acheter un tire-bouchon avec Gros du Roi ou un truc comme ça. Oh. Et puis finalement, arrivé chez moi, je vais me dire, ouais, est-ce que ça va avec ma cuisine? Mais sur le moment, je suis hyper contente. Comme quand t'es à la montagne, t'achètes le thermomètre avec la tête de sanglier là. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Ah, ou la marmotte, ouais. Ah, ouais. C'est genre le truc sur place, ça passe bien ça, mais dès que tu le sors de ce contexte, ça passe plus. Il y a des trucs même sur place, ça passe pas. Hein. Jonathan, bonjour. Salut Manu. Bah écoute, moi, il y a qu'en vacances que je prends en photo mes pieds dans la piscine, tu vois, en train de bronzer. Ouais. C'est la base. Ah ouais. Bah, voilà. Et est-ce que tu mets sur Instagram en mettant en légende en réunion lol? Non mais genre voilà, j'aime bien montrer aux autres et puis comme ça les autres disent ah ils sont rageux et tout et j'aime bien. Voilà. C'est dégueulasse. Ouais. Mais en fait, Instagram ça ne sert qu'à ça, à montrer aux gens que t'es plus heureux que les autres. Ouais. Oui. C'est quoi? Je suis même sûr, Jonathan, que des fois tu prends des photos de tes pieds, tu les gardes pendant un an précieusement dans ton téléphone et ensuite tu le ressors alors que t'es vraiment au boulot. C'est ça. On l'appelle avant Noël, tu sais, comme ça. Ah oui, Manuel, tu vas te faire gueuler, ça ne marche pas. Merci de nous avoir appelé, Jonathan. Sur Twitter, il y a Julien qui dit, il n'y a qu'en vacances que je porte des espadrilles. Comme Glandu. Ah Ah ouais. T'es très espadrille. Ouais, j'adore ça. Ouais. C'est classe. On en parlera plus tard. Ouais. Ouais. Ah bon, bah, y a pas de débat. Si, ah bon. Si, un peu. Céline nous dit, il n'y a qu'en vacances que je joue à la pétanque. Putain, c'est vrai ça. Ah ouais, bah la pétanque, ouais. C'est marrant, hein. Je me dis qu'il y a des professionnels de la pétanque qui ont fait leur métier. Ah ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font en vacances? Ah, peut-être qu'ils bossent. Non, mais attends, c'est chiant. 6h51, le nouveau RL San, ça s'appelle Christophe, c'est avec Maître Gims, les amis, je vous l'ai promis, on va s'écouter maintenant. C'est le tout nouveau RL San. Soyez les bienvenus, on est mercredi, c'est le 27 juin, on démarre cette journée tous ensemble, c'est Manu dans le 6-9, on est en direct et en public du Gros du Roi toute cette semaine. Un jour j'ai ramené deux meufs, c'était nul, ça m'a rappelé que j'ai du mal avec une. On m'appelle Nekfeu quand on me croise dans la rue, avant j'étais bizarre, maintenant j'assume. J'aime que les mangas, j'aime que les mangas, et les films de Van Damme, et les films de Van Damme. J'prends pas de bouteille en boîte, j'prends pas de bouteille en boîte, un Carrefour c'est 20 balles. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir, mais j'fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, qui ne fait. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, qui ne fait. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé. Que des t-shirts de geek, Japan Expo c'est la fashion week. Tous les matins sont des lendemains de cuite. J'suis pas validé par la street. T'as 10 followers, t'as 10 followers. Tu peux les voir en vrai, tu peux les voir en vrai. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir, mais j'fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, qui ne veut. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Maître Gims. Rien noir, Pokéface, j'pose tapis. Arrêtez de faire chier Bernard Tapie. Oh, tu crames les mêmes pas de danse comme Shaki. Oh, j'ai plus quel effet, ça fait d'être trois fois platine. Ouh, yeah, j'te taquine. J'suis le pont entre Yonkai et Georges Moustaki. Le noir le plus aimé du central massif. J'comprends toujours pas pourquoi autant de blancs me kiffent. Bernard Minet, Bernard Minet, Bernard Minet. Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Johnny. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, qui ne fait. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, qui ne fait. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, qui ne fait. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, qui ne fait. Bon réveil sur Énergie, il est 6h54. Dans 10 minutes à 7h05, on va doubler votre salaire. Et attention, aujourd'hui, l'un ou l'une d'entre vous va avoir son salaire multiplié par 10. Vous pouvez vous inscrire sur énergie.fr, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69. Vous pouvez encore vous inscrire. Tout à l'heure, à 8h05, on vous l'annonce. C'est à l'occasion de la sortie du film Mission Impossible Fallout, il sort le 1er août. On va réaliser le salaire impossible. On va multiplier votre salaire par 10. Yes. Wow. C'est quasiment c'est un énorme. An de salaire. C'est énorme. Oui, c'est ça. Ça change ton année, quoi. Ah, bah oui, là, c'est un petit peu. Ah oui. Une année de vacances. On peut dire, ah, vous m'avez changé 2-3 trucs. 10 fois votre salaire. On va multiplier par 10 votre salaire. Vous vous inscrivez. Il vous reste une heure. Dans un peu plus d'une heure, ce sera peut-être vous qu'on va appeler en direct. Aya Nakamura arrive pour vous. C'est juste après les infos de 7h. Et est-ce qu'on a le temps rapidement? Oui. Allez. Je vais vous sortir plein de choses et à chaque fois vous allez faire ouille. Ah, oh là, ah ouais. Ok. Vas-y. J'ai une liste de trucs qui nous font mal rien qu'en y pensant. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais, oui. Vas-y, vas-y. Attention au public, je vous l'annonce. Un coup de pied dans les testicules. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous avez vu, ça marche. Hein. Le bruit de la craie qui grince sur un tableau. Oui. Le bruit d'un os qui se fracture. Oh bah, alors, c'est violent ça. Ça. Ah bah rien qu'en y pensant, ça fait mal. Une piqûre dans l'œil. Ça va pas. Tu fais ça. Mais parce que c'est un mec qui a mis une liste sur internet pour ça. Mais c'est pas gentil. Mais non, c'est pas. Mais il le fait pas. Mais j'espère. Ce sont des choses qui nous font mal rien qu'en y pensant. On continue. Un doigt coincé dans la porte. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Appuyer sur une bosse ou un bleu très fort. C'est gratuit. Se couper le doigt avec une feuille. Ça c'est désagréable, c'est dur. On dit putain les armes et tout, mais non, c'est ça en fait. Les feuilles quoi. Ouais, enfin, t'as un peu l'air con le soldat qui arrive avec des feuilles comme ça. Et un petit dernier dans les choses qui nous font mal juste en y pensant, le bout du zizi coincé dans la braguette. Oh, gros succès. Allez, 6h56, on revient tout de suite sur NRJ avec Aya Nakamura et on double votre salaire, c'est dans moins de 10 minutes à 7h05. Manu dans le 6-9. C'est Manu les Wawa du matin. sur Énergie. Gagnez 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio qui offre 1000 euros de bons d'achat sur Cdiscount pour le lancement des soldes, c'est Énergie. Surtout, retenez la bien. Cette phrase vous permet de gagner 1000 euros à dépenser sur Cdiscount. N'économisez pas votre plaisir. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. 3, 2, 1, c'est parti. C'est le grand départ des soldes dans votre géant. Dès aujourd'hui, profitez de remises jusqu'à 50% sur des milliers d'articles signalés en magasin. Textiles, maisons, loisirs, multimédia et beaucoup d'autres produits sont à l'honneur. De quoi ravir tous les amateurs de bonnes affaires. Les prix bas, c'est... Géant. Offre valable dans les magasins participants dans la limite des stocks disponibles. Date des soldes selon décret. L'instant Darty. Crème ? J'ai. Maillot de bain ? J'ai. Smartphone, appareil photo ? J'ai et j'ai. C'est les soldes chez Darty. Le smartphone LG G6 bleu avec son double appareil photo est à 299 euros au lieu de 499, soit 40% d'économie. Date des soldes selon décret dans la limite des stocks disponibles. Top, maintenant une question santé. Qui soulage les gencives douloureuses gonflées irritées ? Arthrodon. Oui, qui contient de l'énoxolone pour lutter contre la douleur des gencives ? Arthrodon. Bravo ! C'est bien Arthrodon. Dentifrice pour soulager les douleurs dues à certaines maladies des gencives et aux blessures par prothèse. Arthrodon énoxolone, 1% pâte gingivale, médicament pas avant 3 ans. Lire la notice avant utilisation. Il est recommandé de se brosser les dents après chaque repas. Si les symptômes persistent, consultez votre dentiste. Demandez conseil à votre pharmacien. Allô patron ? Tu navigues, c'est ça ? Ah oui, sur Lidl Voyage, et bientôt au large. Non, parce qu'il y a un circuit en Floride avec une croisière aux Bahamas à partir de 1559 euros. Oh, le rêve à un prix de rêve, quoi. Oui, bah réveille-toi, mon ami, parce que tu ne pars pas à Miami et tu es mal. LidlVoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Circuit Floride avec croisière Bahamas de 10 jours, 8 nuits. Pension complète selon programme à partir de 1559 euros par personne. Offre valable du 26 juin au 2 juillet, inclus sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-voyage.fr. 1, 2, 3. Partez ! C'est la course au solde des bonnes affaires sur riducommerce.com. Profitez de réductions exceptionnelles sur les univers maison, high-tech, jardin et bénéficiez de remises allant jusqu'à moins 70% sur des milliers de produits. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur riducommerce.com. Solde du 27 juin 8h au 7 août dans la limite des stocks. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Pendant les vacances, vous allez sûrement attendre votre tour au péage, la vague, le vendeur de glace, un transat disponible, le petit vent frais du soir. Au moins avec Jeep, vous n'attendrez pas avant les vacances. Profitez d'une très large gamme de SUV Jeep disponible immédiatement avec Ready to Drive et bénéficiez d'une remise jusqu'à 6 000 euros sur Jeep Compass. Jusqu'à 6 000 euros de remise non cumulable avec d'autres offres en cours, valable jusqu'au 31 juillet sur une liste de Jeep Compass identifiée en stock selon modèle et motorisation. Réservée aux particuliers sous conditions de reprise. Ready to Drive, prêt à partir. Détails sur Jeep.fr. Aujourd'hui, je veux un mode de vie sain et naturel. Je bouge, je mange équilibré et pour ma protection solaire, je fais le choix du bio. C'est BioBeauté by Nux. Sa formule SPF 50 aux actifs de fruits bio et aux filtres 100% minéraux m'offre un bronzage en toute sécurité. Avec la gamme solaire BioBeauté by Nux, j'ai trouvé ma protection solaire bio, efficace et plaisir. En ce moment, pour un solaire bio SPF 50 acheté, BioBeauté by Nux vous offre un après-soleil 50 ml. Dans les pharmacies et parapharmacies participantes et sur nux.com, dans la limite des stocks disponibles. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Sarthe. Au Mans, la charcuterie Côme fait de véritables rillettes du Mans moulées à la louche avec du porc né et élevé en Sarthe. Elles ont été maintes fois primées et moi, je ferai des kilomètres pour en manger. D'ailleurs, c'est par le train qu'elles ont conquis la France au début du siècle. Un charcutier sartois profitait en effet des arrêts du Paris-Brest pour proposer ses rillettes aux mécaniciens et aux passagers. Et le succès fut immédiat. Commerçant autrement. Pour votre santé, bougez plus. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Vous rêvez depuis deux semaines du SUV Peugeot 2008 de votre frère, avec grip control et navigation 3D connectée. Deux semaines que vous le suppliez de vous le prêter. Rien à faire. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En ce moment, le SUV Peugeot 2008 style suréquipé est à partir de 139 euros par mois, avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer, 1590 euros, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 7h01. Ben on est presque à l'heure. Bon réveil. On double votre salaire dans 3 minutes, c'est juste après les infos. On va s'écouter Aya Nakamura. Mais avant ça, oui, les infos, c'est important. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Rien de nouveau ce mercredi, la météo reste toujours aussi agréable avec du soleil, du ciel bleu à perte de vue. On est donc sur la lancée du début de semaine pour encore quelques jours d'ailleurs. Pas de dégradation en principe avant la fin du week-end. Les températures, elles grimpent. Ce matin, il fait de 15 à 21 degrés du nord au sud. Et puis cet après-midi, on aura 26 à Lille, 30 à Laval, 34 au pied du Mont Ventoux. C'était long, très long, 90 minutes de foot sans vie ni émotion. Mais à l'arrivée, les Bleus ont quand même obtenu ce qu'ils étaient venus chercher hier. 0-0 face au Danemark, synonyme de première place de la poule de Coupe du Monde. La France peut donc se projeter sur les huitièmes de finale. Et le grand rendez-vous programmé samedi à 16h, samedi 16h, France-Argentine. Didier Deschamps et ses joueurs retrouveront donc Lionel Messi. L'affiche du jour oppose la Serbie au Brésil ce mercredi. On reparle encore des perturbations à la SNCF. L'ultime épisode de la grève perlée des cheminots prendra fin vendredi matin. D'ici là, on a 4 TGV sur 5 et 3 TER et Intercités sur 5 en circulation jusqu'à ce soir. Parmi les syndicats qui souhaitent poursuivre le mouvement pendant les vacances, la CGT et Sudrail appellent à la mobilisation les 6 et 7 juillet. Ce sera pour les premiers grands départs de l'été. En magasin ou sur Internet, c'est pareil pour tout le monde. Les soldes d'été débutent à 8h ce matin dans toute la France, ou presque. 6 semaines de prix cassés pour vider les stocks et faire de bonnes affaires. C'est tentant, même si les promos ont lieu un petit peu toute l'année désormais. Près de 8 Français sur devrait en profiter selon un sondage. On y passe parfois la moitié de son salaire. Les loyers ont peu augmenté cette année en France. Selon le classement de la Fédération Nationale de l'Immobilier, c'est à Paris, sans surprise, qu'il faut payer le plus pour vivre. 780 euros environ par mois pour un studio. Nice est seconde, autour de 500 euros. Lyon troisième, un petit peu en dessous. L'offre de logement, notamment pour les petites surfaces, est plutôt abondante à Toulouse et à Marseille, mais très rare dans la capitale, évidemment. Ça approche, dernier réveil avant le début du brevet. Demain, pour les élèves de troisième. Dernières heures donc pour réviser le français, la première épreuve programmée ce jeudi matin. Bon courage évidemment à tous les collégiens qui s'apprêtent quand même à franchir une grande étape, leur premier grand examen. Cette question ce matin, à quoi ressemblera le prochain album de Drake? Eh bien, on sera fixé dans peu de temps, il sort vendredi et le rappeur vient d'en publier un teaser vidéo. 3 extraits en ont déjà été dévoilés. Le programme chargé des sorties ciné s'est varié ce matin avec un film énergie. Tout d'abord, une comédie romantique, Love, Simon, la première grande histoire d'amour d'un ado gay américain, Catherine Langford alias Anna dans la série 13 Reasons Why au casting. Le grand retour aussi de Louane dans Les Affamés, le portrait d'une jeunesse qui ne lâche rien. Une suite enfin avec Sicario, la guerre des cartels, Josh Brolin et Benicio Del Toro dans l'univers des trafiquants de drogue mexicains. 7h04, c'est la fin de ce flash. On est le mercredi 27 juin et vous retrouvez Manu dans le 6-9 depuis le Gros du Roi. Bonne journée. Wow. Oh, c'est beau. C'est beau quand vous chantez. Il est 7h04 et nous sommes en public. Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez montrer au monde que vous êtes là, que vous êtes réveillés. Toute cette semaine, on est en direct du Gros du Roi. C'est dans le sud de la France, c'est pas loin de Montpellier, c'est pas loin de Nîmes. Nous sommes au Yacht Club. Hey, ça fait très c'est une grande salle, vous pouvez être 300 à venir chaque matin, n'hésitez pas. Vous vous inscrivez sur manudans69.com. Et c'est aussi sur manudans69.com que vous inscrivez pour le barbecue de cet après-midi. Ouais. Parce qu'on fait l'émission tous les matins et on vient vous voir, on vient avec vous et nous allons cuisiner pour vous. La chipo. Ouais, on va faire de la chipo. Ouais. Barbecue géant aujourd'hui, on a mis ça en place avec Saut Magique. C'est dans les arènes du Gros du Roi. On fera un Facebook Live parce qu'évidemment vous pouvez pas tous venir à ce barbecue géant. On fera un Facebook Live. Il y aura des jeux gonflables, il paraît. Trop bien. On va être trop amusé. Ouais, on va se marrer. On peut rire. Ouais. On peut se marrer. Ah oui. Du barbecue et des jeux gonflables, nous avons 8 ans, ça va se passer tout à l'heure. Ce sera, je crois, à 12h30. Je sais pas s'il reste des places, s'il en reste, en tout cas, vous allez sur manudans69.com pour vous inscrire aussi. On va doubler votre salaire dans quelques instants, ou même maintenant, parce qu'il est déjà 7h06, les amis. Avant d'écouter Aya Nakamura, c'est parti. Manudans69, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Energie.fr, manudans69.com ou l'application manudans69 pour vous inscrire. C'est ce qu'a fait Corentin. Il habite Nice, il a 29 ans et il touche 1536 euros chaque mois. Corentin, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Attention, Corentin décroche. Allô ? Ou c'est rapide ? C'est Corentin ? Oui. Corentin de Nice ? Oui. Je t'appelle pour te poser une question. Oui. Franchement, s'il y a un jour une question à laquelle tu dois répondre et te concentrer, c'est celle-là. Ok. D'accord. Elle est même plus importante que répondre oui à ton mariage. Oh. Oula. Ouais. Apparemment, Corentin est au courant. Corentin, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu, c'est Manerby. Ouais. Comme tu dis, Corentin, ça y est, c'est fait. 1536 euros, doublé, ça va faire 3072 euros pour toi. Oh, le bonheur, merci beaucoup, merci, merci, merci. Corentin, tu es floriste. Oui, voilà, c'est ça. T'as une petite boutique et tu vends des fleurs. Voilà, exactement, ça fait 15 ans que je suis floriste. J'ai une petite question. Oui. Les fleurs que vous vendez pas, au bout d'un moment, elles se fanent comme nous, elles se fanent chez nous. Voilà, c'est ça, exactement. Mais vous en faites quoi des fleurs qui fanent? Bah, les fleurs qui fanent, soit on les jette, soit on garde les fleurs qui sont encore vendables pour les mettre dans les cérémonies de deuil, par exemple. C'est génial, c'est marrant. Ah oui, d'accord. Mais attends, ça c'est un scoop. Les vieilles fleurs. Si, c'est un scoop. Quand vous commandez des couronnes pour un enterrement, c'est les fleurs sont presque plus mortes que la mort. Non, c'est que les fleurs sont encore un peu belles. Ouais. Et il faut que ça soit, faut que ça passe l'effet le plus possible en fait le jour de la cérémonie. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit juste à peu près potable pendant une heure. Après, à la différence du défunt qui lui de toute manière c'est réglé. Exactement, voilà. C'est génial comme info, ça. Incroyable. C'est lesquels du coup, Corentin, les fleurs qui durent le plus longtemps? Ah non, c'est pas censé durer 3 jours. Ah. Les fleurs qui durent le plus longtemps, faut les orchidées, les anthuriums, tout ce qui va être exotique en fait, ça dure assez longtemps. Ah ouais, donc pas d'orchidées. Bah si, les orchidées, c'est... Ah, non, les c'est orchidées, si, ça tient très longtemps, ouais, ça tient bien. Ouais. Ah, ça tient, oui. C'est quoi les fleurs? Les fleurs des morts, c'est lesquelles? Chrysanthème. Les fleurs des morts, alors ça, tout ce qui va être chrysanthème, les œillets, les fleurs en fait avec qui ont une bonne durée, qui tiennent très très bien, quoi. Et oui. Bon, et les fleurs en plastique aussi qui tiennent vachement bien. Les fleurs en plastique aussi, ça bouge pas. Vraiment, si vous voulez un truc qui tient bien, vous prenez un caillou. Corentin, on te double ton salaire. 3072 euros pour toi, ça arrive très vite, bravo. Le bonheur, la journée commence bien, c'est génial. Ah ouais, on peut dire là, c'est pas mal. Et puis, une pensée à vous tous qui allez acheter des fleurs chez le fleuriste pour un enterrement. Sachez-le, c'est des fleurs pourries. Corentin, belle journée à toi et bravo. Attention, ça peut vous arriver, vous aussi. On vous double votre salaire tous les jours, il suffit de vous inscrire. Mais dans moins d'une heure maintenant, celui ou celle qui sera tiré au sort par un huissier de justice, ouais, ça rigole pas. Ouais. Les vrais huissiers de justice, on en a un. Sérieux. Il va tirer au sort l'un ou l'une d'entre vous qui s'est inscrit sur énergie.fr, Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69 pour lui multiplier son salaire par 10. Ouais. Wow. C'est dingue. C'est peut-être vous, les amis, vous pouvez encore vous inscrire. Le tirage au sort aura lieu quelques instants avant qu'on vous appelle tout à l'heure à 8h05. Bonne chance à vous, les amis. Aya Nakamura, tout de suite. On est là avec vous. C'est Manu dans le 6-9. On est en direct du Gros du Roi toute cette semaine. On est en public. Bon réveil. Hello, papi, mais qu'est-ce que c'est? J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs. Salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Jaja. dja. Je suis pas ta cata, dja dja. Genre, en cas t'en as baby, tu dettes ça. Bienvenue sur Énergie, il est 7h12, on va écouter Ed Sheeran, ça arrive pour vous, et dans même pas 5 minutes, nouveau Georges. Cool. Ouais, Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui peut vous appeler, pas pour vous embarrasser, c'est le concept. Ouais. Ça va arriver dans 5 minutes, avant ça, quelques études. Yes. Selon une étude britannique qui a été réalisée auprès de 169 couples, les couples heureux auraient tendance à manger plus, et donc à prendre du poids. Eh ouais, c'est ça, embêtant. Et ben voilà, je vous l'annonce. Les couples heureux prennent du poids. Ok. Je suis, Non, Nico, tu voulais dire rien parce que je me regarde. Non, c'est pas sympa, Manu, arrête. C'est son anive en plus. Ah oui, ouais, pardon, c'est vrai. C'est pas, mais on je suis très, pas très heureux en couple. Effectivement, ça fait 10 ans que je suis de plus en plus heureux. C'est exponentiel, quoi, c'est très cool. Selon une étude parue hier, les torchons de cuisine seraient des nids à bactéries. Sur 100 torchons analysés, 49 sont, après plusieurs vaisselles, porteurs de bactéries hyper nocives pour la santé. Voilà pourquoi je ne m'approche pas de ça. Oui, c'est ça. Trop dangereux. Torchon égale Satan. qu'est-ce qu'on a encore? Ah, j'ai une info sur le violon. Ah, vas-y. Selon des chercheurs de l'université de Taïwan qui ont comparé le son d'un violon au son de notre voix, l'instrument a été clairement inventé il y a plusieurs siècles pour imiter la voix humaine. Ah bon? Voilà, le mec qui a inventé le violon l'aurait inventé pour imiter la voix humaine. Voix humaine de quelqu'un qui crie. Ah, voix humaine de quelqu'un qui est en train de décéder. Ouais, c'est ça. Personne n'est de quelqu'un qui est en train de se faire torturer. on est mercredi. Oh, on est mercredi, journée cinéma. Ah ouais. Mais rubrique cinéma. Ah, ouais. Ah. Énergie présente. La rubrique cinéma de Manu dans le 6-9. Alors comme on est au Gros du Roi, du coup on fait plein de trucs, je sais pas du tout ce qui sort aujourd'hui. Ah. Énergie vous a présenté la rubrique cinéma de Manu dans le 6-9. Ok. Ouais, ah, nickel. Rendez-vous l'année prochaine. Ah ouais. Ah, nickel. Bravo. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est bien. Peut-être que j'en ferai pendant les vacances, on verra. Je suis en train de penser avec Énergie pour avoir une rubrique cinéma. Allez, on revient tout de suite avec notre intelligence artificielle, mais c'est la moins douée du monde. Elle s'appelle Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui appelle un petit peu partout et qui aujourd'hui va appeler quelqu'un pour lui dire qu'il conduit mal. Ok. La personne le prend très mal. Allez, à tout de suite. Manu dans 6-9, 0870 42 48. Appel gratuit. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen, floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. La cuisine, c'est beaucoup de rigueur, de travail et de ténacité. Bref, la cuisine, c'est le parfait contraire de Manu. Bon réveil sur Énergie, il est 7h18 et Philippe Etchebest, il est ce soir sur M6 dans Cauchemar en cuisine. Ouais. Alors écoutez bien l'histoire de ce soir. Il se rend dans un établissement qui est situé au cœur de Marseille. La carte propose de la cuisine provençale, mais aussi des burgers et aussi des spécialités marocaines. Oula. Ah oui, c'est vaste. C'est-à-dire que le chef, il sait pas trop ce qu'il veut faire en fait. Oui, il hésite. Si ça se trouve, en cuisine derrière, il fait aussi un peu de maçonnerie. Bon, 7h18, on va écouter Ed Sheeran. Mais avant ça, voici le retour de Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, elle est chez nous. Alors oui, il y a les Google, oui, il y a les Amazon, oui, il y a les Apple qui développent leur intelligence artificielle. Nous, à leur différence, nous ne la développons pas. Ouais. On la laisse tranquille. Et elle appelle un peu partout en France des gens pour, par exemple, leur dire qu'ils conduisent mal. Et les gens réagissent comme ça. Allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Oui, bonjour monsieur. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous conduisez mal. Oh ben non. Vous avez forcément triché pour avoir votre code. Oh, comme toutes les vieilles, ma génération. Vous êtes un danger public. Moi j'aime la vitesse, mais malheureusement maintenant on ne peut plus. Il n'y a que ça, puisque moi je ne bois pas et tout le temps. C'est pas parce que des fois on roule vite qu'on a plus d'accidents. Hein. Nous avons analysé votre niveau de conduite. Vous êtes une conductrice catastrophique. Non, non. Si. Non. Si. Non. Si. Ah non. C'est dommage, j'aurais bien. Il continue tout seul après. C'est dommage, j'aurais bien continué le petit jeu. Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, vous pouvez la retrouver aussi en podcast et sur manudansle69.com. L'appel automatique de Georges, manudansle69. 7h19, on va écouter Ed Sheeran et juste après, on lit les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux et puis on écoute aussi les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico du Web qui écoute tout et qui partage ça avec nous. Manu, tu dis souvent que la France avance, mais c'est pas grâce à nous. Non, ça c'est une certitude. Bah, l'éducation nationale devrait nous remercier. Ouais. Ah ouais? Passe ton bac et écoute Manu dans le 6-9 d'abord. Ouais. On va voir pourquoi. C'est dans 3 minutes. On est surpris. C'est un plaisir. On est surpris. Si on commence à aider la France, franchement, faut qu'on arrête. C'est un très mauvais signe. C'est la fin de saison. Juste après, Chiran sur Energy, c'est Happier. Vos messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Les messages vocaux, on les écoute dans 3 minutes. Bon réveil, on est en direct du Gros du Roi. On est en public. C'est Manu dans le 6-9. C'est Energy que vous avez choisi. Walking down 29th and Park. I saw you in another zone. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too, and until then I'll smile and hide the truth that I know I was happy. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. Bienvenue sur Énergie, il est 7h23, on va écouter Calvin Harris et Dua Lipa, mais avant ça, on lit les messages que vous nous envoyez sur Twitter, sur Facebook, et on écoute les messages vocaux aussi, vous n'hésitez pas à nous les envoyer, c'est sur l'application Manu dans le 6-9, c'est Nico du Web qui écoute tout, qui lit tout, et qui partage avec nous. Il y a quelques temps, on avait parlé des fois où on a été surpris au mauvais moment. Ah oui. Ouais, ben tout nu, tout ça, les trucs comme ça. Par exemple, ouais. J'ai récupéré d'autres réactions sur le même sujet sur Facebook, il y a Jules qui dit on m'a surpris en train de mettre du poulet tombé par terre dans le plat. Oh. Ah non, ouais. Bah, c'est pas cool. Dans la cuisine. Bah, si tu le sers à toi, oui, après, mais si tu le sers aux autres, c'est pas moi, cool. Moi, je dis pas vu, pas pris. Ah non. Ouais, ça marche. Voilà. Il y a Fiona aussi qui dit j'ai surpris mon mec en train de s'observer le zizi dans le miroir, je sais toujours pas pourquoi. Alors, moi, je sais pourquoi, mais je ne te le dirai pas. Ah ouais. Bah, tous les mecs l'ont fait. Pourquoi? Ouais. De se regarder le zizi dans le miroir. Et pourquoi vous faites ça? Déjà, un, pour savoir s'il est toujours là. Ah oui. Ouais. C'est important, il peut partir en vacances sans toi. Ouais. Et deux, pour vérifier, voilà, si tout va bien, s'il est bien en place. Et puis c'est rigolo, tu fais un petit hélicoptère comme ça. C'est, évidemment, c'est rigolo. Quoi. C'est toujours amusant. Tu joues avec. Mais vous, les filles, vous êtes jalouses parce que vous ne pouvez pas jouer avec. C'est vrai. Enfin. Bon, encore une autre fois, on a été surpris au mauvais moment. Il y a Amir qui dit j'ai surpris mon boss en train de twerker dans son bureau. C'est génial. Ah ouais. Alors ça, j'ai pas fait, par contre. Ouais. Là, la prochaine réunion, tu sais que. Bah, dis donc. Donc Bernard, on twerk. Ouais. Et il y a Juliette sur Twitter qui dit j'ai surpris mon mec en train d'essayer mes mi-bas. Et ça, moi, j'en ai déjà porté parce que je m'étais planté une fois et j'avais plus de chaussettes. Oui, bien sûr, on se plante. Ouais. J'ai mis le string de ma femme. Je pensais mettre mon short de foot. je me suis trompé. Mais tu sais que c'est hyper doux. Vous avez de la chance, hein, les filles. Hein. C'est hyper doux, quoi. C'est cool. En plus, c'est un peu transparent, donc tu vois tes pieds. Les mi-bas, c'est pas mal. Hein. Écoute, c'est l'anniversaire de Nico aujourd'hui. Si vous savez pas quoi lui offrir. Mais... une bonne petite guêpière avec des pantjartelles. Ah, franchement, allez-y. Ils sont contents. On sait jamais. Ah, mais il est en train de se lâcher. Écoute, ça fait plaisir. Écoute, pourquoi pas, ça va être autorisé. Quelques messages vocaux qui sont arrivés sur l'application Manu dans 6-9. Ouais, vous savez que j'ai une relation un peu compliquée avec. Avec les pantjartelles. Ouais. Avec ça et ma belle-mère aussi. Je l'appelle la glu. Ouais. J'ai trouvé un collègue, il s'appelle Fox et il nous a laissé ce message. Nico, ma belle-mère s'en va demain après un mois de vacances à la maison. Oh. Hip hip hip, hourra. C'est chaud un mois. Ouais. Eh ben, un mois à la maison. Vous savez, moi, elle vient. Enfin, après, moi, elle vient tous les week-ends. Mais un mois complet, je pourrais pas. Ouais. Il est à bout, là, Nico. Hein. Non. Il en peut plus de sa belle-mère, il veut mettre des portes jartelles. Ouais, c'est ça. Ça a bien tendu, là. Je suis en train de changer, merde. Un autre message? Ouais, Manu, donc tu dis souvent que la France avance, mais c'est pas grâce à nous. Mmh. Eh ben, c'est faux. La preuve avec une maman qui apprend à son bébé à parler grâce à nous. Manu, bébé, wawa. Manu. La nuit et les wa-wa. Bravo. C'est pas beau, ça? Ah ouais. Quand tu sais que l'enfant a 21 ans. Félicitations. Ouais. On est heureux de faire avancer le monde, c'est ça. Un petit dernier. Ouais, on se demande souvent si la pêche c'est pas un peu ennuyant. Bah, on a la réponse. Salut Manu, salut l'équipe. Bah, voilà, un petit message juste pour vous dire que là je suis à la pêche depuis 5h ce matin. Puis vu que ça mord pas, je me fais chier. Donc je suis bien content que vous ayez commencé à faire votre émission. Voilà, bonne continuation à tous. Salut. Quand vous croiserez un pêcheur aujourd'hui, donnez-lui une petite tape dans le dos. Sachez. Courage, mec. 7h27, on revient tout de suite sur Énergie avec Calvin Harris et Dua Lipa. Bon réveil. Manu sur Énergie. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. Bonne journée à vous. Vos stars Énergie préférées réunis pour vous dans un parc immense pour un concert gratuit. Ah ouais? C'est le Énergie in the Park. Le 6 juillet à Angers-Trélazé. Énergie in the Park. Sur scène. Liam Payne. C'est Al sur Énergie. C'est Vita sur Énergie. Bassada. This is Julian Peretta. Bendo. Last Frequencies. Sound of Legend. Dua Lipa. Et c'est Maître Gims, ma radio, c'est Énergie. Le Énergie in the Park, présenté par Aymeric Bonnery, le 6 juillet. À 11 et Trélazé. Avec Ibis, pour vous, vous et vous, fans de petites attentions. Un événement Énergie. Hit music only. L'affaire est dans le sac. Expression française qui signifie que tout ce dont vous rêvez se trouve sur la redoute. C'est les soldes. Jusqu'à moins 60% sur la mode et la maison. À vous cette petite robe ou ce canapé qui vous fait rêver. En ce moment, moins 10% supplémentaires sur tout le site. Et en plus, la livraison est gratuite toute l'année avec La Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Chose promise, chose due, c'est le grand départ des soldes dans votre Géant. Et aujourd'hui seulement, profitez d'une remise supplémentaire de 20% sur une sélection de produits déjà soldés. Comme cette machine à café Senseo Viva Café Coloris Cuivre Blanche à 47,60€ au lieu de 119€, soit 71,40€ d'économie. Les prix bas, c'est... Offre valable dans les magasins participants dans la limite des stocks disponibles. Date des soldes selon décret. Noroto. Tous les automobilistes sont différents. Et chez Noroto, ce qui fait la différence, c'est qu'on vous la rembourse, la différence, si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs. Et le montage en une heure maxi, ça fait la différence aussi. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence garantis au prix les plus bas et montés en une heure maxi. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. Ah, c'est un peu ce que je disais. Noroto. Valable pour deux pneus achetés et montés chez Noroto. Conditions sur noroto.fr. Top. Maintenant une question santé. Qui soulage les gencives douloureuses gonflées irritées? Arthrodon. Oui, qui contient de l'énoxolone pour lutter contre la douleur des gencives? Arthrodon. Bravo! C'est bien Arthrodon. Dentifrice pour soulager les douleurs dues à certaines maladies des gencives et aux blessures par prothèse. Arthrodon inoxolone, 1% patch gingival, médicament pas avant 3 ans. Lire la notice avant utilisation. Il est recommandé de se brosser les dents après chaque repas. Si les symptômes persistent, consultez votre dentiste. Demandez conseil à votre pharmacien. Mes lunettes? Moi aussi, j'adore les changer. Ça tombe bien, Sharon. La nouvelle collection Chin Chin, elle est exceptionnelle. Moi, je veux bien tout changer, mais surtout pas mon opticien. Moi, c'est Afflelou. Chin Chin spécialité, c'est deux lunettes de plus pour 1€ de plus. Et c'est jusqu'au 15 juillet. Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Énergie. Sans abonnement. Tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Les vacances approchent, vous allez bientôt pouvoir tout oublier. Tout, sauf la sécurité. Heureusement, Feu Vert et Michelin vous accompagnent dans les moments qui comptent. Jusqu'au 30 juin, pour l'achat de vos pneus été ou 4 saisons Michelin, jusqu'à 80€ offerts. Oui, 80€. Et 9 clients sur 10 qui recommandent Feu Vert, c'est ça la patte de l'expert. Modalité sur feuvert.fr. La prévention permet d'éviter des accidents sur la route et à la maison, et de préserver sa santé. La prévention, c'est adopter de bonnes attitudes et les transmettre dès le plus jeune âge. La prévention, c'est la mission d'Attitude Prévention, l'association des assureurs français. Attitude Prévention. Les assureurs se mobilisent. Nos conseils sur attitudeprévention.fr. Peugeot Professionnel, des solutions pensées pour les pros. Partir en rendez-vous client, rester connecté et arriver à l'heure sur vos chantiers, c'est facile avec le bureau mobile Modu Work et la navigation 3D connectée du Peugeot Expert. Il est vraiment taillé pour relever tous vos défis. En ce moment, le Peugeot Expert Premium Pack avec navigation est à partir de 179€ hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois et 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par premier loyer 1650€ hors taxes. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Et voilà, vous avez 40 ans. Et ça fait 40 ans que vous êtes trop jeune. Trop jeune, ado, pour avoir un scooter, en seconde, pour sortir avec un terminal. Quand vous avez commencé à travailler, vous manquiez d'expérience. Trop jeune encore. Et voilà, vous avez 40 ans. Et vous êtes assez grand pour tout, même pour porter des lunettes. Si vous êtes né entre 1968 et 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll et découvrir les verres Essilor. Atoll, mon opticien. That's all. Ce test n'est pas un examen médical. Dispositif médical CE. SNCF Spécial Exam. En cette période d'examen, SNCF se mobilise et met en place le dispositif SNCF Spécial Exam. Un numéro d'appel dans chaque région et des gilets rouges en gare sont présents pour guider les élèves et étudiants qui rejoignent leur centre d'examen. Des trains sont assurés en priorité pour faciliter leur déplacement. Retrouvez tout le dispositif sur sncf.com. Qui a bien ? Le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter des soldes comme nulle part ailleurs. Profitez des soldes chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles pour toute la famille. Toute la mode jusqu'à moins 70%. Il est grand temps de se faire plaisir. Les soldes par Kiabi du 27 juin au 7 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur articles signalés, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h32, ça va, on est bien, on est en retard de 2 minutes, ça bon, c'est l'autre rythme de croisière. Ouais. Dans une demi-heure, c'est peut-être l'un ou l'une d'entre vous, c'est même sûr d'ailleurs, que c'est l'un ou l'une d'entre vous qui va avoir son salaire multiplié par 10. C'est le salaire impossible, vous pouvez encore vous inscrire. Le tirage au sort par huissier de justice aura lieu à 8h, donc vous pouvez encore, vous avez une demi-heure. À 8h05, c'est peut-être vous qui allez avoir votre salaire multiplié par 10. On va écouter Calvin Harris et Dua Lipa dans un instant, mais avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. CRS dans le ciel, toujours du grand ciel bleu et du soleil sur l'ensemble de la France. Pas de complications prévues avant la semaine prochaine, en principe à l'arrivée des orages. On peut encore profiter de ce temps estival au moins jusqu'à la fin du week-end. Les températures d'ailleurs grimpent encore de 15 à 22 degrés du nord au sud en ce moment. Et puis cet après-midi, il fera 27 degrés à Brest et à Metz, 28 à Dijon, 29 à Toulon, 30 à Albi. Un petit message à tous ceux qui se seraient ennuyés hier devant le match des Bleus. Ils sont si rares. Le scénario va se compliquer maintenant. La France affrontera l'Argentine en 8e de finale du Mondial de foot samedi après-midi. Les Bleus qui ont terminé la phase de poule en tête de leur groupe malgré un triste match nul 0-0 face au Danemark. L'Argentine miraculée s'est qualifiée en battant le Nigeria 2-1. Aujourd'hui, la Suède est opposée au Mexique, l'Allemagne à la Corée du Sud. Il y a aussi un Brésil-Serbie qui promet en Coupe du Monde. Le chiffre du jour, 18, comme le nombre d'épisodes de la mobilisation des cheminots. Ça fait donc 36 jours de grève en 3 mois. Fin du mouvement vendredi matin. Et ce mercredi, on a 4 TGV sur 5, 3 TER intercités sur 5 en circulation. Deux des principaux syndicats appellent à la grève pour le premier grand week-end de départ des vacances. Ce sera le 6 et le 7 juillet. 6 semaines de prix cassés. Le début des soldes aujourd'hui, dans une demi-heure, très exactement à 8 heures précises. Donc, dans toute la France ou presque. Sur Internet, c'est la même chose. Un acheteur sur deux a quand même prévu de se rendre dans un magasin traditionnel cette année, selon un sondage. Une annonce aujourd'hui du gouvernement sur le service universel, en principe un mois obligatoire à l'âge de 16 ans, c'est la position que devrait adopter l'État donc. La mesure a été promise par le candidat Macron pendant sa campagne, il y aura quand même une grande consultation lancée auprès de la jeunesse française dès l'automne. C'est le film dont tout le monde parle depuis sa sortie aux États-Unis. Love, Simon arrive dans les ciné français aujourd'hui avec Énergie. L'histoire de Simon, un ado américain qui a tout pour être heureux ou presque. Un jour, il prend son courage à deux mains pour révéler son homosexualité et va pouvoir compter sur l'aide de sa meilleure amie, campée par Catherine Langford. Pour l'héroïne de la série 13 Reasons Why, cette comédie dramatique doit aussi nous amener à réfléchir. Ce film peut aider des gens à s'affirmer. Il montre qu'il y a tout à gagner à être courageux, à ne pas se cacher. Les gens doivent s'informer et comprendre la douleur de ceux qui n'osent pas. Ça fait peut-être cliché de dire ça, mais la parole fait évoluer les mentalités. Parfois, on ne dit rien par timidité, mais il suffit qu'un seul dénonce un comportement injuste et les autres suivront. Ce sujet du coming out adolescent n'est pas souvent abordé au cinéma, mais c'est aussi une histoire avec de l'humour, de l'amour et une vraie réflexion. Ouais, c'est la fin de ce flash. Bon réveil sur Énergie avec Manu dans le 6-9. Bonne journée. Oh, c'est beau. Ouais. Wow, c'est beau. C'est beau et ça me touche. On est en public. toute cette semaine, nous faisons la dernière semaine d'émission de la saison en direct du Gros du Roi. Nous sommes en public, vous voulez venir, et ben n'hésitez pas, vous allez sur manudans69.com, on fait plein de choses. Bah, dans l'émission déjà, on vous offre le petit déjeuner. Ouais, ça c'est pas n'importe quoi. Oui. On sait comment vous attirer, par la bouffe. Et à propos de bouffe, c'est aujourd'hui le barbecue géant dont on vous parle depuis longtemps. Yes. Trop bien. Le barbecue géant avec Saut Magique, ça va se passer dans les arènes du Gros du Roi. Vous serez... il y a beaucoup de monde, hein. On va pouvoir faire venir beaucoup de monde. Si vous êtes dans le coin, vous allez sur manudans69.com pour vous inscrire. Et si vous pouvez pas venir, de toute manière, on fera un Facebook Live. Parce qu'il y a des jeux gonflables. Ah, ça va être génial. Je pense qu'on peut se marrer à se pousser dans l'eau et dans les jeux gonflables. Ouais, ça va être très drôle, ouais. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 12h30. On a le gagnant pour le pronostic du match de la France hier. Ouais. Hier, la France a joué contre le Danemark. Il y a eu 0-0. Bon, c'était pas le match de l'année. Hein. Ah ouais. Non, c'était pas ouf, ouais. C'était pas dingue de dingue. Ouais. On a eu nos pronostics, comme chaque fois que la France joue, et c'est Florian qui avait pronostiqué un 0-0. Parmi les bonnes réponses, il a été tiré au sort. Florian de Toul, il gagne une PS4 Pro. C'est fort. Et voilà. Okay. Et voilà, c'est bien, c'est pas mal. Ouais. Avant de s'écouter Calvin Harris et Dua Lipa et de jouer au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots, on va jouer dans 5 minutes. J'ai des chiffres sur nos vies. Ah, ok. Écoutez bien. Au cours d'une vie, on dort environ 25 ans. Ah oui, c'est énorme. Un quart. Hein, 25 ans de ta vie à dormir. Wow. Énorme. Et a priori pour Paulette, c'est environ 75 ans. Je suis comme les chats, la moitié de ma vie au lit. C'est exactement ça. On passe 115 jours à rire. Ah, c'est beau ça. Bah oui, c'est beau, mais c'est moins que 125 ans à dormir. Ouais, 25 ans à dormir. C'est pas assez. Les hommes connaissent 9 heures et 18 secondes d'orgasme. Oh, ah, ouais. C'est pas énorme au final. C'est tout, clair. Tout confondu. Ah, mais c'est pas la suite, hein. Ouais. Ah oui, ça serait pas mal ça. 9h et 18 secondes. Alors, j'ai pas le chiffre pour les femmes. Parce qu'aucun homme n'a réussi à trouver. Une femme passe 136 jours à se préparer avant de sortir. Ah, c'est beaucoup. C'est étonnant. Ah, ouais. Oh, oui, c'est beaucoup. Ouais. Ouais, quand on vous le dit. On est malade 366 jours. À un an. Ouais. Est-ce que ce serait pas bien de tout faire en un an et après c'est réglé? Ah ouais. Ah non, un an de maladie. C'est oui, mais après c'est fini. Ouais. Bon. Ah ouais. On passe 5 ans de notre vie sur Internet. Ah ouais? Je trouve pas ça énorme. Ah ouais, je pensais plus. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Ouais, maintenant, ouais. On passe 7 ans à attendre le sommeil. C'est relou. Ah, pas mal. Attends, 25 à dormir, 7 à attendre. Ouais, ouais. 32 ans en tout, dans le lit à rien faire. Ouais. Bon, si tu calcules que les, ouais, que Internet c'est rien faire aussi. Ouais. On arrive, en fait, on est mort, les mecs. Ouais, c'est pas grand chose. Et le petit dernier, on passe aussi 7 ans de notre vie aux toilettes. Oh, et ben 7 voilà. ans! Entre les toilettes, le sommeil, ouais. Internet. Franchement, c'est. Le temps qu'on perd, quoi. Impressionnant. Il nous reste 8 minutes pour faire les trucs. Ouais. Après, Internet et les toilettes, ça va ensemble, tu vois. Oui, c'est vrai. Même temps, ouais. Il y en a même qui, avec Internet, les toilettes et le sommeil, ça va ensemble. Ouais, c'est ça. 7h40, dans 3 minutes, les amis, on joue au meilleur jeu radio du monde. Vous pouvez nous appeler au 0-870-42-48. C'est le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeux vidéo de votre choix et l'écran télé qui va avec. C'est juste après Calvin Harris et Dua Lipa sur NRJ. 0-870-42-48. Dans 3 minutes, on joue. Stay.